à celle qui est droguée par Charles Baudelaire. Enregistré pour LibriVox.org. Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. Le rire joue en ton visage comme un vent frais dans un ciel clair. Le passant, chagrin que tu frôles, est ébloui par la santé qui jaillit comme une clarté de tes bras et de tes épaules. Les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes jettent dans l'esprit des poètes l'image d'un ballet de fleurs. Ces robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé, folle dont je suis affolée. Je te hais autant que je t'aime. Quelquefois dans un beau jardin où je traînais mon atonie, je sentis comme une ironie le soleil déchirait mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Ainsi je voudrais une nuit, quand l'heure de volupté sonne, vers les trésors de ta personne comme un lâche, ramper sans bruit. Pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sang pardonné et faire ton flanc étonné une blessure large et creuse. Et, vertigineuse douceur, à travers ses lèvres nouvelles, plus éclatante et plus belle, t'infuser mon venin, ma sœur. Fin du poème, enregistré par Maya. Cet enregistrement fait partie du domaine public.